français. Pour y réussir, il est nécessaire que chacun ici, et encore plus au front, ait une attitude conforme à la tradition du soldat français et de la Waffen-SS. Nous pensons à la devise de la SS. Notre honneur s'appelle fidélité. En criant ensemble, Sieg Heil, Sieg Heil.